Paris la nuit pour moi, c'est Paris boniment, la romance au néon qui se maquille et qui ment. Chagrin sec ou aux larmes, qu'est-ce que vous préférez? Y'a que du chagrin à boire et à pleurer. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris, et ça fait comme un coup du mal par où ça passe. Viens bébé, viens chéri, j'ai de l'amour dans tes prix. Tu verras gros jaloux, faut que ça pleure ou que ça casse. J'ai beau me la raconter, j'y crois pas, j'y crois plus. J'ai le cafard et c'est tout, et y a pas de lenturlu, y a pas de chanson qui tienne. J'ai beau me la raconter, l'espoir, moins qu'il y en a, plus que c'est lourd à porter. Est-ce qu'il reviendra jamais, mon petit homme qui m'aimait? Vous vous en foutez tous, qui remet la douce en crève. Ben pour moi, vous savez, vous pouvez tous crever. Comme ça, j'aurai mes soirs pour le revoir en rêve. Tout de même à supposer, tout d'un coup qu'il reviendrait, ce serait comme qui dirait, ce serait le 14 juillet. Quelle fête, quelle nuit, quel boum, quel ciel et quel java, j'en ai les genoux qui tremblent, comme si qu'il était là. Tout mon marbre avec moi ferait flamber sa joie en vert, en rouge, en bleu, comme un grand feu Bengale. On danserait dans les rues et je croirais ce que je crois plus, que le bon Dieu pour sûr règne enfin sur Pigalle.